constatation. Quand tu regardes les yeux des jeunes, c'est rien de drôle. Y'en a qui se saoulent la gueule pour oublier. Pour oublier que tous les jours y'a des problèmes, tu vois. Fait que tu penses qu'ils rigolent, tu penses qu'ils s'amusent, mais c'est sérieux. Tu vois. Prends juste le temps d'écouter, de réaliser ce qui se passe. Architecte. Dans les yeux des jeunes, je vois la colère, des galères, des échecs scolaires, des jeunes qui ont perdu leur mère, leur père, sans repère dans l'alcoolisme au début de la serre. À oublier mais dur de s'en faire, dur de se motiver à faire quelque chose pour son avenir, c'est clair. La jeunesse n'ose plus croire, parce que tous les chemins mènent au point de départ. C'est un problème de pouvoir, notamment celui que la police use à la sortie des bars. Le soir, dans les yeux des jeunes, je vois le désespoir. Rien de drôle, connard, 25 000 mineurs sur le trottoir. On dit que c'est trop tard et c'est tous des drogués. Ouais c'est trop tard, ils sont déjà évalés. De toute façon démotivés à s'intégrer dans la société, la raison est qu'on est exposé à trop de difficultés. Visualise le jeune non diplômé, analyse ses chances de devenir fortuné. L'exclusion amène à songer à la facilité, vend du shit, quitte à risquer sa liberté et souffrir d'une jeunesse mal écoutée, incomprise. Enfin tu me comprends, tu me comprends. Hey yo, je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. Ce monde en décadence, on s'évader, on abuse des substances. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. No time, no time, rien de drôle ici. Hey yo, je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. Ce monde en décadence, on s'évader, on abuse des substances. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. No time, no time, regarde rien de drôle ici. La vraie vie, c'est pas l'envie en rose. Alors je prends contrôle. Boss dur, vegan, tu sais, pour pas finir en tôle. Chasseur, c'est dur, car l'argent, c'est tentant. Et ça tend maintenant à chaque coin de rue en tout temps, visant ces jeunes enfants. Mais je pense, c'est tant qu'on s'effend. À chaque instant de la vie, sous ce soir même qu'on dépend. Les pères, ils foutent le camp, s'en foutant de maman. Maman travaille 2 à 3 jobs pour payer le logement. Mais franchement, en ce moment, les choses vont de mal en pire. J'ai jeunes aux avenirs. Mais sur le vide, il va falloir les prévenir. Sinon, les gosses feront tout pour arrêter le joie de vivre. Par des entreprises, est-ce qu'ils vendent des grammes jusqu'au livre. Ce monde est en délire, on se croirait dans un chantier. Et tout le monde rêve un jour, est-ce qu'on pourrait bien s'en sortir. Le monde il veut s'enfuir, s'évader de popos, ces jeux de gogo et ces putains de vie des ghettos. Yo, je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. Ce monde en décadence, pour s'évader on abuse des substances. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. No time, no time, y'a rien de drôle ici. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. Ce monde en décadence, pour s'évader on abuse des substances. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. No doubt, no doubt, rien de drôle ici. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la tristesse qui s'empare de cette jeunesse. L'an 2000 est sous le signe du stress. Et les joints tournent comme la roue en attendant la fortune. Le rêve américain, et pour l'instant on vit tous dans la brume. Le manque de thunes amène la merde de la case. Philosophie au jour le jour, on évolue tous de phase en phase. Et trop de questions sans réponse. Combien de mes frères pour payer un loyer. Maintenant te dis non si on le renonce. Pour rien ni personne dans cette vie on déconne. Je me positionne, cette vie de chien nous empoisonne. La vie de truand, la vie de mec qui taffe. For real on the man, et parmi tous ces obstacles. Et ce son on en débat, regarde les yeux des jeunes, y'a rien de drôle. Moi j'ai rien, car c'est moi qui a le bon rôle, bon rôle, bon rôle. Je regarde les yeux des jeunes, je regarde les yeux des jeunes. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. Ce monde en décadence, pour s'évader on abuse des substances. Je regarde les yeux des jeunes, je vois la souffrance. No doubt, rien de drôle ici. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. C'est ce que tu veux dire, frère, ouais. Rien de drôle.